soir on s'en va chanter, ce soir on s'en va danser. Tout le monde s'en va chez sa galie. Si j'ai appris son vieux en haut, mais son accordéon, c'est comme ça l'on a qu'à dire. Il faut se pousser les pattes, faut pas lâcher la patate. Il souvient toute la nuit. Que le bon Dieu nous pardonne, c'est comme ça qu'on a du fun ici à la baie Sainte-Marie. Joue-moi dans les alicots, diggle-la-y-diggle, jambalaya-mi-oh-my-ho. C'est comme ça en Louisiane, c'est comme ça chez Marianne, fille des campes pas très chaud. Joue-moi dans le tomanjo, gubajou-mi-galago, comme là-bas dans les bayous. Nous autres des agasins, on est comme nos cousins, on s'amuse jusqu'au matin. Ce soir on s'en va chanter, ce soir on s'en va danser. Tout le monde s'en va chez Zacharie. Qui j'en a pris son violon, au maire son accordéon. C'est comme ça en Acadie. Il faut secouer sa vieille patte, faut pas lâcher la patate. Et suivre toute la nuit. Que le bon Dieu nous pardonne. C'est comme ça qu'on a du fun ici à la maison de Marie. J'ouvre nom des haricots, diggle-la-y, diggle-la. Jamalaya, bio-maro. C'est comme ça en Louisiane, c'est comme ça chez Marianne, filet comme au bois très chaud. Joue-moi dans le tomato, gulbajo, brigalego, comme la balle dans les bayous. Nous autres les acasiens, on est comme nos cousins, on s'amuse jusqu'au matin. Joue-moi dans des haricots, diggle-la-y, diggle-lo, jambalaya, bio-mayo. C'est comme ça en Louisiane, c'est comme ça chez Marianne, filet comme au bois très chaud. Joue-moi dans le tomato, gulbajo, brigalego, comme la balle dans les bayous. Nous autres les Acadiens, on est comme nos cousins, on s'amuse jusqu'au matin. Nous autres les Acadiens, on est comme nos cousins, on s'amuse jusqu'au matin.